de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Lettré, érudit, incurable lecteur depuis sa plus tendre enfance, insatiable bibliophile, qui aujourd'hui nous parle mieux de la lecture qu'Alberto Manguel. Le livre, la lecture sont au cœur de son œuvre, au centre de ses questionnements et de son existence depuis toujours. Auteur d'une histoire de la lecture, récompensé du prix Médicis en 1998, Alberto Manguel se faisait sur France Culture en 2005 le conteur de l'histoire de la lecture pour une série en 20 épisodes. C'était par l'évocation de tableaux du début du XVIe siècle de Vittore Carpaccio, illustrant la vie d'un autre grand lecteur érudit, Saint Jérôme, que s'ouvrait le récit d'Alberto Manguel. Une histoire qui invitait les auditeurs à un fascinant voyage de Sumer aux écrans du numérique autour d'une intemporelle interrogation « Qu'est-ce que la lecture ?» Premier temps de « Histoire de la lecture » par Alberto Manguel, diffusé la première fois le 24 octobre 2005 sur France Culture. Qu'est-ce que c'est que de lire ? Qu'est-ce que c'est l'histoire de la lecture ? Nous, lecteurs d'aujourd'hui, que l'on dit menacés d'extinction, nous avons encore à apprendre ce que c'est que de lire. Notre avenir, l'avenir de l'histoire de nos lectures, fut exploré par saint Augustin, par exemple, qui tentait de distinguer le texte vu avec les yeux de l'esprit du texte lu à haute voix, ou par Dante, qui s'interrogeait sur les limites de l'interprétation des lecteurs, ou par tant d'autres lecteurs encore qui ont analysé les relations entre l'écrivain qui lit et le lecteur qui écrit. Surtout par les scribes sumériens qui attribuaient à l'acte de lire un pouvoir politique, ou par les premiers fabricants de livres qui, trouvant trop limitatives et trop encombrantes les méthodes de lecture des rouleaux, vous savez, c'est celles qui sont semblables à celles que nous utilisons à présent pour lire sur nos ordinateurs, nous ont offert la possibilité de tourner des pages et d'être griffonné dans les marges, une vraie lecture interactive. Le passé de cette histoire se trouve devant nous, à la dernière page de cette mise en garde qui constitue la description de l'avenir par Ray Bradbury dans Fahrenheit 451, où le support des livres n'est plus le papier, mais la mémoire. Mais commençons par une comparaison. Dans les premières années du XVIe siècle, les anciens de la guilde de San Giorgio degli Schiavoni à Venise commandèrent à l'artiste Vittore Carpaccio une série de scènes illustrant la vie de Saint Jérôme, ce grand érudit et lecteur du IVe siècle. Le dernier tableau de cette série, peinte en haut et à droite, quand on entre dans la petite salle obscure, eh bien, elle ne représente pas Saint Jérôme, mais Saint Augustin, son contemporain. Une tradition répandue dès le Moyen-Âge raconte que Saint Augustin, s'étant assis devant son bureau pour écrire à Saint Jérôme afin de lui demander son opinion sur la question de la béatitude éternelle, la pièce fut emplie de lumière et Augustin entendit une voix qui lui annonçait que l'âme de Jérôme était montée au ciel. Voyons, la pièce dans laquelle Carpaccio a placé Augustin est une étude vénitienne de l'époque du peintre, aussi digne de l'auteur des Confessions que de l'esprit de Saint Jérôme, responsable, comme vous le savez, de la version latine de la Bible, et saint patron des traducteurs. Des minces volumes exposés sur une haute étagère, un délicat bric-à-bras aligné en dessous, un fauteuil garni de cuir et clouté de laiton, une table, un lutrin rotatif au-delà d'une porte située au fond, et la table de travail du saint, encombrée des livres ouverts et de ses objets personnels que les années déposent sur le bureau de tout écrivain, de tout lecteur. Un coquillage, une cloche, une boîte en argent. Dans l'alcôve centrale, au fond, on voit une statue du Christ ressuscité qui regarde dans la direction d'une statuette de Vénus dressée parmi les objets d'Augustin. Elles habitent l'une et l'autre sur des plans différents, le même espace humain. La chair et ses délices d'un côté, dont Augustin pria d'être délivré, mais pas tout de suite, il ajoutait. Et le Logos, le Verbe de Dieu qui était au commencement et dont Augustin entendit un jour l'écho dans un jardin. À une distance respectueuse, un petit chien blanc, ébouriffé, attend, plein d'espoir. Tel que le voyait Carpaccio, le cabinet d'Augustin ressemble aussi au mien, royaume d'un lecteur ordinaire. Les rangées des livres et des souvenirs, le bureau encombré, le travail interrompu, le lecteur attendant une voix, la sienne, celle de l'auteur, celle d'un esprit, la réponse à des questions soulevées par la page ouverte devant lui. Et puisque la confrérie des lecteurs est généreuse, c'est du moins ce qu'on nous dit, n'est-ce pas, permettez-moi de me placer un instant aux côtés de l'auguste lecteur peint par Carpaccio. Lui à son bureau, moi au mien. Notre façon de lire, celle du temps d'Augustin et de Carpaccio, et la mienne aujourd'hui, au 21er siècle, s'est-elle modifiée au cours des siècles? Et si tel est le cas, comment s'est-elle modifiée? Je vous propose de voir donc les éléments de cette lecture. Commençons par la voix. Comme moi, je lis un texte sur une page ou sur un écran, je lis en silence, par un processus ou une série de processus d'une incroyable complexité, des essaims de neurones dans des sections spécifiques de mon cerveau déchiffrent le texte qui voit mes yeux et me le rendent compréhensible, sans que j'aie besoin de prononcer le mot au bénéfice de mes oreilles. Lire ainsi en silence n'est pas une pratique aussi ancienne qu'on pourrait le croire. À Saint-Augustin, mon mutisme aurait paru, sinon incompréhensible, à tout le moins curieux. Dans un passage bien connu des Confessions, Augustin raconte comment il surprit saint Ambroise en train de lire en silence. Il dit ceci, quand il lisait, saint Ambroise, quand il lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur explorait les significations, mais sa voix restait silencieuse et sa langue immobile. Augustin, donc, au IVe siècle, avait l'habitude de lire, comme avaient lu les anciens Grecs et Romains, à haute voix, de manière à s'y retrouver dans les chapelets des lettres juxtaposées sans ponctuation ni capitale. Il était possible pour un lecteur expérimenté et pressé de déchiffrer un texte en silence. Augustin lui-même en était capable. Mais c'était une procédure assez difficile. Aujourd'hui, des siècles plus tard, puisque le lecteur silencieux n'a rien d'étonnant et que nous sommes toujours en quête désespérée de nouveautés, nous avons réussi à prêter au texte sur écran sa voix propre, discordante, désincarnée, il est vrai, mais propre quand même. À la demande du lecteur, un CD-ROM, par exemple, peut désormais usurper les prérogatives magiques du lecteur post-augustinien. Il peut garder un silence de saint pendant que je parcours des yeux la page qui se déroule, ou prêter au texte une voix et des éléments graphiques, ramenant ainsi à la vie ce qui est mort, non grâce à une fonction de la mémoire, et un sens du plaisir, ainsi que le proposait Augustin, mais par le truchement d'une mécanique, une sorte de golem préfabriqué dont les apparences seront certainement perfectionnées avec le temps. La différence est que la voix de lecture de l'ordinateur n'est pas ma voix. Par conséquent, le ton, la modulation, l'accentuation et les autres instruments permettant de donner du sens à un texte sont définis en dehors de ma propre intelligence. Au lieu de donner des ailes au verba, comme l'appelaient les Latins, nous avons fait marcher des scripta mortes. Voilà pour la voix. Voyons maintenant pour la mémoire. La mémoire de l'ordinateur n'est pas, elle non plus, semblable à la nôtre. Pour Augustin, ces lecteurs qui lisaient les Écritures dans l'esprit voulu conservaient en eux le souvenir du texte, s'en transmettant l'immortalité des lecteurs en lecteurs, de génération en génération. Ils lisent ceci dans les Confessions. Ils lisent sans interruption et ce qu'ils ont lu ne disparaît jamais. Augustin fait l'éloge des lecteurs qui, en quelque sorte, devient le livre, emportant en eux le texte imprimé dans leur cerveau comme sur une tablette de cire. La capacité de se rappeler des passages de textes essentiels aux fins de discussion, de comparaison, avait encore grande importance à l'époque de Carpaccio. Mais après l'invention de l'imprimerie et l'augmentation des nombres de bibliothèques privées, l'accès aux livres pour consultation immédiate devint beaucoup plus aisé et déjà au XVIe siècle, les lecteurs pouvaient compter sur la mémoire des livres plutôt que sur la leur. Maintenant, aujourd'hui, la vaste mémoire de ma machine à traitement de texte tend à me rendre le même service. Dans certains cas, bien entendu, elle est de très loin supérieure à toutes ces inventions de la Renaissance. Par exemple, des contemporains de Carpaccio collectionnaient avec passion et à grand-peine les textes anciens des Grecs et des Romains, si rares que beaucoup des livres que nous appelons classiques aujourd'hui étaient inconnus d'Augustin. Désormais, tous ces textes sont à mon entière disposition. Les deux tiers de toute la littérature grecque demeurait vivante jusqu'à l'époque d'Alexandre, c'est-à-dire 3 400 000 mots et 24 000 images, se trouvent aujourd'hui rassemblés sur 4 petits disques publiés par l'University Press de Yale. De sorte qu'aujourd'hui, d'un simple grignotement de ma souris, je peux découvrir combien de fois, par exemple, Aristophane s'est servi du mot signifiant « homme » et m'apercevoir qu'il s'en s'est servi deux fois plus souvent que du mot signifiant « femme ». Alors, pour établir des statistiques aussi précises, Augustin aurait dû mettre ses capacités mnémotechniques à rude épreuve, même si l'art de mémoriser, laborieusement développé depuis le temps de la Grèce et de Rome, avait alors atteint un degré étonnant de perfectionnement. Néanmoins, ce que ma mémoire électronique est incapable de faire, c'est choisir et assembler, commenter et associer, grâce à une combinaison de pratiques et d'intuitions. Elle ne peut, par exemple, me dire que, en dépit de ses apparences statistiques, ce sont les femmes d'Aristophane, Praxagora dans l'Assemblée des femmes, par exemple, ou le commère au marché dans les Thesmophories, ou cette mégère de Lysistrata qui me viennent à l'esprit lorsque je pense à son œuvre, lue, évidemment, non sur CD, mais dans les vénérables volumes Garnier que nous utilisions à l'école. La mémoire gloutonne de mon ordinateur n'est pas une mémoire active comme celle de Saint-Augustin. C'est une sorte de dépôt, comme sa bibliothèque, plus vaste, sans doute plus aisément accessible. Grâce à mon ordinateur, je peux mémoriser, mais je ne peux pas me souvenir. Ce talent-là, je dois l'apprendre d'Augustin et de ses volumes anciens. Maintenant, parlons de la forme. À l'époque d'Augustin, le codex, le volume de feuilles reliées, avait presque complètement supplanté le rouleau, car il offrait, en comparaison avec celui-ci, des avantages manifestes. Le rouleau ne laissait apparaître qu'une partie du texte à la fois, sans permettre au lecteur de tourner les pages ni de lire un chapitre, tout en gardant la place d'un autre avec un doigt. Il imposait donc des strictes conditions de lecture. Le texte était offert au lecteur dans un ordre prédéterminé et une seule section à la fois. Aujourd'hui, mon ordinateur tient des deux formes, le texte lu qui se déroule Et je peux cependant, si je veux, cliquer instantanément sur une autre section dans une fenêtre différente. Mais il ne possède en aucun cas l'ensemble des caractéristiques de ses aînés. Il ne me donne pas, comme le faisait le rouleau au premier coup d'œil, la pleine mesure physique de son contenu. Il ne me permet pas non plus, malgré ses fenêtres, ses windows, de tourner et de sauter des pages avec la même dextérité que le codex. Par contre, évidemment, il est plus efficace lorsqu'il s'agit de retrouver quelque chose. Ses fonctions de recherche sont infiniment supérieures à celles de ses ancêtres, de parchemins et des papiers. Tout cela signifie-t-il que nos talents de lecteurs ont décliné, ont perdu leurs qualités les plus précieuses, se sont dégradés ou appauvris, ou qu'ils se sont améliorés, qu'ils ont fait des progrès, qu'ils se sont perfectionnés depuis les temps hésitants d'Augustin? Ou ces questions sont-elles osseuses? La crainte mal placée de la technologie qui opposait autrefois le codex au rouleau, oppose aujourd'hui le rouleau au codex. Il oppose le texte qui défile sur écran aux multiples pages du livre que le lecteur humaniste tient à la main. Mais toute technologie comporte une dimension humaine. Il est impossible de débarrasser de la fibre humaine la plus inhumaine des inventions techniques. Elles sont nos inventions, même si nous tentons de les renier. La reconnaissance de cette dimension humaine comme la compréhension de la signification exacte des empreintes colorées des paumes sur les murs des cavernes préhistoriques dépasse sans doute nos capacités actuelles. Ce qu'il nous faut par conséquent, c'est un lecteur humaniste, non point nouveau, mais plus efficace, qui rendra au texte prisonnier aujourd'hui des procédés technologiques l'ambiguïté qui lui donnait une qualité divinatoire. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous émerveiller devant les effets de la réalité virtuelle, mais d'en reconnaître les défauts bien réels et utiles aussi, les indispensables failles par lesquelles nous pourrons accéder à un espace non encore créé. Nous devons être moins péremptoires, pas plus. La question de savoir si pour les lecteurs humanistes de l'avenir, le livre sous sa forme actuelle demeurera ou non inchangé est en un sens une question vaine. Mon hypothèse, et ce n'est qu'une hypothèse, c'est que dans l'ensemble, il ne changera guère, parce qu'il s'est si bien adapté à nos exigences. Mais celles-ci, bien sûr, peuvent aussi évoluer. La question que je me pose plutôt est celle-ci. Dans ces nouveaux espaces technologiques, avec des artefacts qui vont certainement coexister avec et parfois supplanter le livre, comment resterons-nous capables d'inventer, capables de nous souvenir, capables d'apprendre, d'enregistrer, de rejeter, de nous interroger, d'exulter, de subvertir, de nous réjouir? Par quels moyens continuerons-nous à être des lecteurs créateurs et non des voyeurs passifs? Nos craintes sont des craintes endémiques, enracinées dans notre temps. Elles ne s'étendent pas à un avenir inconnaissable, elles veulent une réponse concluante, ici et maintenant. Eh bien, la bêtise, écrivait Flaubert, consiste à vouloir conclure. Comme chaque lecteur le sait, l'intérêt, la qualité essentielle de l'acte de lire, maintenant et toujours, c'est qu'il ne tend à aucune fin prévisible, à aucune conclusion. Toute lecture en prolonge une autre, commencée un beau soir 1000 ans plus tôt et dont nous ne savons rien. Toute lecture projette son ombre sur la page suivante, lui prêtant contenu et contexte. De cette manière, l'histoire grandit, strate sur strate, telle la peau de la société dont ce acte sauvegarde l'histoire. Dans le tableau de Carpaccio, Augustin est assis, aussi attentif que son chien, la plume en suspens, son livre ouvert, lui tel un écran, il regarde droit vers la lumière, il écoute. La pièce, les instruments se transforment sans cesse, les livres sur l'étagère changent de couverture, les textes racontent des histoires avec des voix non encore nées, l'attente continue. C'était le premier temps de Histoire de la lecture par Alberto Manguel, diffusé la première fois le 24 octobre 2005 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.